Bonjour à tous et à toutes. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle leçon Upper Intermediate. Je m'appelle Amaury. Salut, je m'appelle Jean-Patrick. Comment vas-tu, Jean-Patrick? Très bien, merci. Donc, la leçon d'aujourd'hui s'appelle At the hairdressers. Voilà, chez le coiffeur. Ok. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une leçon que je n'ai pas écrite. Non? Non. Pas vrai. C'est Marion qui l'a écrite. Je lui ai d'ailleurs demandé beaucoup de conseils avant de faire cette leçon. Parce qu'aller chez le coiffeur, ce n'est pas ma spécialité. Non, pas du tout. Puisque tu es chauve. Eh oui. Je ne donne pas beaucoup d'argent à nos amis les coiffeurs. Non. Je dois l'avouer, ça fait 10 ans que je ne me suis pas rendu chez le coiffeur. 10 ans? 10 ans. Et puis... 1999? Exactement. Alors, nous allons avoir un mot-clé, bien sûr, dans cette leçon. C'est quoi? C'est le mot coupe. Coupe. This is the cut. Voilà. The haircut. Oui. En français, on peut dire une coupe de cheveux, mais plus souvent, plus généralement, on dit juste une coupe. Une coupe. C'est féminin. C'est un mot féminin, exactement. Okay. Voilà. Bon, vous êtes tous prêts? On écoute le dialogue ensemble? Ok. C'est parti. Bonjour madame, bienvenue chez Jean-Louis David. Bonjour, j'ai le mariage de ma fille demain et il me faudrait une nouvelle coupe et une coloration. Vous pouvez me prendre maintenant? Bien sûr, je vais m'occuper de vous. Installez-vous ici. Quel genre de coupe voulez-vous? J'aimerais me débarrasser de ma frange et rafraîchir ma coupe avec un dégradé. Qu'en pensez-vous? Dans tous les cas, il va falloir couper les pointes qui sont abîmées et fourchues et refaire votre coloration. Vous avez des racines d'au moins 10 cm. Avec des cheveux gras, c'est terrible. Je sais. J'ai été assez occupée ces derniers temps, comme vous pouvez l'imaginer. Quoi qu'il en soit, j'aimerais retrouver ma couleur naturelle et faire un léger balayage blond. Mais je veux que ça ait l'air naturel. Bien sûr. Est-ce que je peux vous suggérer également une permanente? Non, merci. J'ai l'habitude de faire un brushing et cela me suffit. Très bien. Si vous le souhaitez, nous proposons également des manucures, soit du visage et maquillage. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va commencer par la coupe. Alors, on voit qu'il propose énormément de choses, ce coiffeur. Oui, il sait faire beaucoup de choses. Pas mal de choses. Ouais. Et pourquoi? Parce que peut-être c'est un coiffeur de chez Jean-Louis David. Jean-Louis David, c'est qui ça? Jean-Louis David, c'est un coiffeur qui est devenu très connu. Ok. Et qui a ouvert des salons de coiffure un peu partout en France et même à l'étranger. Ah, ok. Oui. Donc, c'est presque une chaîne. Mm-hmm. Et ce sont des salons de coiffure de très bonne qualité. Ok. Assez, ouais, on va dire assez cher même. Ok, comme Vidal Sassoon aux États-Unis ou peut-être chez moi, comme Jean Juarez. Je sais pas, je connais pas cela. C'est comme ça. Mais à mon avis, c'est exactement ça. C'est la même, voilà, c'est la même chose. Donc là, cette femme va chez Jean-Louis David. Pourquoi? Parce qu'il y a une occasion, c'est le mariage de sa fille. Le lendemain? Eh oui, le lendemain. Donc, elle dit qu'il lui faudrait une nouvelle coupe. Ok, le mot-clé. Oui. Et une coloration. Ok. Elle veut changer de couleur de cheveux. Donc quand même, elle a de la chance. Puisque le coiffeur peut la prendre directement. Oui, il dit « Je vais m'occuper de vous ». Oui, alors que c'est pas toujours le cas. Hein. Généralement, chez le coiffeur, il faut attendre. Il faut attendre, il faut même réserver. Ah oui. C'est bien, ma pauvre mère, pour aller le samedi chez le coiffeur, il fallait réserver le mercredi. Tu vois tous ces problèmes, JP? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'en ai plus tous ces problèmes. Non, heureusement. Plus de soucis. Plus de cheveux, plus de soucis. Alors, il est très sympathique, il lui dit « installez-vous ». Et il lui demande évidemment « quel genre de coupe voulez-vous ? » Ok. Et donc là, elle lui explique qu'elle aimerait se débarrasser de sa frange. Ok, la frange, c'est quoi ? Alors, une frange, si j'ai bien écouté Marion, ouais. Donc c'est les cheveux qui couvrent le front. Oh, le front, ok. Oui. La frange. Donc, tu vois qu'ils sont, généralement, et après, les cheveux qui sont sur les côtés sont plus longs. Mais ceux qui couvrent le front, bah, sont coupés au niveau des sourcils, un peu plus haut. En anglais, on dit the bangs. Ok. The bangs, yeah. Et elle voudrait rafraîchir sa coupe avec un dégradé. Ok. Alors, on a le verbe rafraîchir ici. Ça veut dire changer sa coupe. Et plus spécialement, ça veut dire ici couper les pointes. Ok. A trim, a little trim. Voilà, couper les bouts des cheveux. Just clean it up a bit. Voilà, ouais. Et comment? Avec un dégradé. Est-ce qu'on peut dire avec des niveaux? Non, il faut utiliser vraiment, c'est vraiment un dégradé qui est utilisé. Ah, ok. Parce qu'en anglais, c'est levels, right? Layers. Oui, voilà. Donc, pour avoir les cheveux coupés de longueurs différentes, C'est le mot dégradé qui est utilisé en français. Ok. Alors lui, évidemment, il a son avis, il regarde les cheveux de cette cliente. Mm-hmm. Il lui dit que de toute façon, il va falloir couper les pointes qui sont abîmées et fourchues. These are the damaged and split ends. Oui, voilà. Mm-hmm. Ce qu'elle voulait dire un peu par rafraîchir avant. Mm-hmm. Et refaire la coloration. Ok. Puisqu'il y a des racines d'au moins 10 cm. C'est beaucoup quand même. C'est un scandale. Ouais, c'est un peu... ça fait beaucoup. 10 cm de racines. These are long roots, right? Probably black. Oui, qui n'ont pas la même couleur. Ça doit être assez voyant quand même. Il était temps qu'elle aille chez le coiffeur. Mm-hmm. Parce qu'en plus, la pauvre, elle a des cheveux gras. Oh, the oily hair. Ouais. Mm-hmm. Quand même, elle essaye de se justifier. Mm-hmm. Elle dit pourquoi elle a d'aussi longues racines. Mm-hmm. C'est parce qu'elle était occupée, la pauvre, avec les préparatifs du mariage. Oui, oui, c'est comme ça. Et donc elle reprend, elle dit quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, anyways. Oui. Regardless. Voilà, c'est une jolie façon de dire. De toute façon. Voilà. Mm-hmm. J'aimerais retrouver ma couleur naturelle. Donc elle veut sûrement faire une coloration pour retrouver ses cheveux originaux. Ouais. Et faire un léger balayage blond. Balayage. These are the highlights. Oui. OK. Mais attention, elle veut que ça ait l'air naturel. OK, she wants it to look natural. Comme elle commence la phrase avec « je veux que », il faut employer le subjonctif après. Je veux que ça ait l'air naturel. Oui. Cette « et », c'est « avoir » au présent du subjonctif. Tout à fait. Mm-hmm. Oui. Et en plus, le coiffeur lui suggère également une permanente. Une permanente, quand même. Avec le mariage le lendemain, ça risque d'être une catastrophe. Sûrement, oui. Avec tout ce qu'elle a déjà demandé, une permanente en plus. Mais elle ne veut pas, puisque elle a l'habitude de faire un brushing. Un brushing? Oui. Ben, ça s'est forcé. Oui, on dit un brushing. Un brushing, pardon. Ça vient de l'anglais, quand même. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Donc, je crois que ça veut dire juste mettre du volume dans les cheveux. Oh, OK. Très bien. Très bien, Namoré. Et c'est tout ce qu'elle veut, même si le coiffeur lui propose quand même à la fin une manucure, des soins du visage, un maquillage. Oh oui. Bah, ils sont tous les mêmes, les coiffeurs. Ils veulent toujours proposer des autres services. Tout à fait, oui. Yeah. Manucure, il s'agit des mains. On voit qu'on a la même racine dans le mot. Mm-hmm. C'est vraiment les soins pour les mains, consacrés aux mains. OK. Surtout les ongles. Oui, en fait, oui, c'est ça. Et soins du visage, ça c'est pour nettoyer la peau du visage, vraiment? J'imagine. Franchement, j'ai toujours... Tu n'en as jamais eu? Non. Moi, si. J'ai jamais fait. C'est ça, donc oui, ça doit être ça, un nettoyage de peau. Mm-hmm. Ouais. Peut-être les sourcils aussi. Mm-hmm. Et puis les sourcils, les cils. Mm-hmm. Les points noirs. Hein, les... Oui, oui, c'est ça. C'est exact. Et les maquillages, bien sûr, ça peut être important si elle a le mariage le lendemain. Bah oui, tout à fait, c'est quand même un grand événement. Mais il vaut mieux faire le maquillage le même jour que le mariage, quand même. En fait, là, ouais, t'as totalement raison. Parce que si tu dors avec le maquillage... Non. Déjà, la fille, elle est peut-être pas très jolie. Parce que si le coiffeur, il lui dit, vous voulez soin du visage, manucure, maquillage... Mais elle n'a pas besoin de tout ça. Mm-hmm. Elle dit, on verra ça plus tard. Maintenant, ce qui est important, c'est la coupe de cheveux. Ok. Pour l'instant, on va commencer par la coupe. Oui, oui, oui. Et voilà, maintenant pour nous, pour l'instant, ce qui est important, c'est de réécouter ce dialogue. Ok. Bonjour madame, bienvenue chez Jean-Louis David. Bonjour, j'ai le mariage de ma fille demain. Et il me faudrait une nouvelle coupe et une coloration. Vous pouvez me prendre maintenant ? Bien sûr. Je vais m'occuper de vous. Installez-vous ici. Quel genre de coupe voulez-vous ? J'aimerais me débarrasser de ma frange et rafraîchir ma coupe avec un dégradé. Qu'en pensez-vous ? Dans tous les cas, il va falloir couper les pointes qui sont abîmées et fourchues et refaire votre coloration. Vous avez des racines d'au moins 10 cm. Avec des cheveux gras, c'est terrible. Je sais. J'ai été assez occupée ces derniers temps, comme vous pouvez l'imaginer. Quoi qu'il en soit, j'aimerais retrouver ma couleur naturelle et faire un léger balayage blond. Mais je veux que ça ait l'air naturel. Bien sûr. Est-ce que je peux vous suggérer également une permanente ? Non, merci. J'ai l'habitude de faire un brushing et cela me suffit. Très bien. Si vous le souhaitez, nous proposons également des manucures, soit du visage et maquillage. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va commencer par la coupe. Ah. Alors, Amaury, tu as beaucoup appris aujourd'hui. Énormément. C'est vraiment du vocabulaire que je n'ai jamais beaucoup utilisé. Mm-hmm. Mais là, j'ai appris beaucoup. Oui, oui, oui. Alors, tu m'as dit que ça fait 10 ans que tu n'es pas allé chez le coiffeur. Eh oui, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité, JP. 10 ans. J'allais te poser une question. Oui. Combien est-ce qu'il faut donner de pourboire au coiffeur? Tu sais? Tu te souviens? Alors, attends, JP. Si ça n'a pas changé, mm-hmm. en France, on ne donne pas de pourboire au coiffeur. Ah, oh, ok. Non. Voilà, okay. Il te fait la coupe de cheveux. Et généralement, quand on demande tous ces services ici, une permanente, un brushing, coloration, balayage, et encore, elle n'a pas demandé le maquillage. Yeah. Enfin bon, ça coûte assez cher. Oui, oui, oui. Oui, elle va dépenser pas mal d'argent. Exactement. Mm-hmm. Donc, en France, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait jamais. Ok. Aux États-Unis, c'est comme ça? Oui, oui, tout à fait. Et comme c'est notre coutume, quand je suis allé chez le coiffeur en France, c'était à Nice, je crois. Oui. J'avais donné un pourboire de 14 francs. 14 francs? Oui, à la coiffeuse. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Merci. Elle a pris le pourboire? Oui. Ah, quand même. Oui, parce que j'avais dit que c'était notre coutume. Ah, tu avais expliqué? Oui, oui. Et toi, elle t'avait expliqué que généralement, en France, il ne faut rien donner? Non, c'est que j'ai demandé. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. Elle a dit, c'est pas notre coutume, et je dis, ouais, c'est ma coutume à moi. Ok. Et ce qui est marrant dans ton histoire, JP, c'est que elle aurait pu dire bon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en France. Mm-hmm. Bon, je n'accepte pas. Ok. Mais bon, elle a dit bon, on ne fait pas ça en France. Ouais. Mais ok, je prends ton, j'accepte ta coutume. Yeah, yeah. J'accepte ton pourboire. Yeah. Ça c'était il y a 15, 16 ans. Oui, parce que c'était encore les francs. Oui, mais elle était très belle. Elle est très belle. C'est pour ça que tu lui as donné un pourboire aussi. Ah là là, JP, on ne le changera jamais. Bon, donc voilà pour vous. Si jamais vous devez vous rendre chez un coiffeur français, plus de problème, vous connaissez le vocabulaire important. Très bien. Mais bon, il est possible qu'on ait oublié des choses. Ouais. Si vous pensez qu'on a oublié certaines coupes de cheveux ou bien du vocabulaire que vous aimeriez connaître concernant ce sujet, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là sur la page de discussion pour y répondre. Sur ce, JP, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. À tout à l'heure.